إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بفضل الله aujourd'hui إن شاء الله وتامينه cette série de دروس tirée du livre مسائل الجاهلية de l'imam المجدد محمد ابن عبد الوهاب NHD Rahmahullah Ta'ala, avec ce charge de Cheikh Al-Fawzan. Comme je l'avais dit dans le dernier dersh, Inch'Allah, aujourd'hui on va rajouter deux masa'il qui étaient manquantes dans mon livre, qui étaient la 41e et la 42e. On va les prendre, puis on va finir par un khurasa des masa'il depuis la 80e jusqu'à la dernière, en guise de muraja'a, de révision. Et de là s'achèvera cette série de durus. طيب فقال المؤلف رحمه الله تعالى في المسألة الحادية وأربعين وصف الله بالنقص. Donc la 41e masala qui est qu'il décrive Allah par des défauts, par l'imperfection, par des choses étant considérées comme étant des manques et des défauts. قال وصف الله بالنقص المسألة الحادية وأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه وتعالى كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانه من بعد ذلك. C'est-à-dire qu'ils attribuent à Allah des défauts, des manques, des imperfections à Allah subhanahu wa ta'ala, comme par exemple l'enfant, le fait qu'il enfante, ou les besoins, ou la fatigue, alors que qu'ils en purifient certains de leurs prêtres. Ils attribuent à là des choses que dont ils purifient la créature de cela. فَقَالَ فِي شَرْحِ حَبْضَ اللَّهُ تَعَالَى النَّقَائِسِ دِدْ الْكَمَالَاتِ وَنِسْبَةِ النَّقَائِسِ إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَدَمْ لِرُبُوبِيَتِهِ وَذَلِكَ كَنِسْبَةِ الْوَلَدِ إِلَيْهِ لِأَنَّ الْوَالِدْ يَحْتَجِ لِلْوَلَدْ وَيُشْبِهُهُ. Donc les naqais, c'est le pluriel de naqs, qui est le pluriel, qui est l'opposé des kamalat, qui sont les perfections. Donc le fait d'attribuer cela à Allah subhanahu wa ta'ala est une chose qui amène à qui entache sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple le fait de lui attribuer un enfant. Car celui qui enfante, le père, a besoin de l'enfant et il lui ressemble. Quand Allah fait le Yahoud, qu'a'alou Uzayl ibn Allah, wa al-Nasara qu'a'alou al-Masih ibn Allah. مشركو العرب قالوا الملائكة بنات الله معنى نصارى ينزهون أخبارهم عن الأولاد والزوجات لأن هذا نقص في حقهم فلا ينزهون الله أما ينزهون عنه رهبانه. Par exemple, les Nasara, ils ont dit que Isa est le fils d'Allah. C'est connu chez les chrétiens, ils disent que Jésus est le fils de Dieu. Et les Juifs, eux, les Yahoud qu'ont dit Uzayl ibn Allah, que Uzayl c'est le fils d'Allah. Et les Mushrikoun des Arabes, eux ils ont dit que les anges, les Malaïka, sont les filles d'Allah. C'est-à-dire qu'ils ont fait des anges comme étant des créatures féminines. Et en réalité, les anges, à la quoi les Khilaf et Yahni sont décrits comme étant des hommes. Quand ils apparaissent, c'est sur l'apparence d'un homme. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala parle à leur sujet, il utilise les Dama'ir et le Muzakka. Pronom un masculin. Quand même, il y a des ulama, ils disent on ne les décrit ni comme étant des hommes ni comme étant des femmes. C'est l'avis de Shah Boubil. Vous voyez ? Mais Shah Ben Baz, Nathalan ou Shah Yahya, eux, voient que l'ange est décrit comme étant une créature masculine. Et on peut dire qu'ils sont des hommes. Pas des êtres humains, mais qu'on peut appliquer le mot homme sur eux. À la kullin. Donc il dit justement qu'ils ont attribué cela à Allah, et ils ont fait des malaïkas des femmes. Et ils ont dit que ce sont les filles d'Allah. Alors qu'à l'inverse de cela, justement, on voit les chrétiens qui, eux, n'attribuent pas cela à leur propre prêtre. Par exemple, chez les Nasara, c'est marlouf, le prêtre ne se marie pas. Les gens de statut religieux, le pape, tous ces gens-là, ne se marient pas. Car pour eux, c'est un manque. Pour eux, c'est une marque d'imperfection. Il veut dire qu'il a besoin de la femme ou d'avoir des enfants. Et cela, ils l'ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Et également que les Arabes, yani à leur époque, n'aimaient pas avoir des filles. D'ailleurs, elles ont été vivantes à leur naissance. Et après cela, yunsibunaha ila Allah subhanahu wa ta'ala. فينسبون إلى الله ما يكرهون. Qu'ils attribuent à Allah des filles alors qu'ils les détestent pour eux-mêmes. Pour eux, cela est un défaut et un manquement. Comme قال تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. Ils attribuent à Allah les filles et pour eux ce qu'ils aiment, c'est-à-dire les garçons. Et le Shir cite à la fin une histoire d'un alim, d'un savant qui est parti auprès des Romains à l'époque, s'est rendu auprès d'eux, l'un de leurs rois. Et lorsqu'il rentre auprès de lui, il dit, demanda à ce roi, comment vont la femme et les enfants? Alors tous les gens qui étaient présents se sont mis en colère. Ils ont dit, comment? كيف يصف رئيسهم بأنه له زوجة وأولاد؟ فقال لهم رحمه الله تعالى أنتم تنزهون رئيسكم عن الزوجة والولد وتنسبونها إلى الله عز وجل. Donc il leur dit رحمه الله تعالى, comment? C'est-à-dire que pour vous c'est une honte que votre chef est une femme ou des enfants, vous attribuez cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et apparemment ces Romains devaient être des chrétiens, des Nasara. Donc de là, ils furent mis dans l'embarras par cette réponse de ce savant رحمه الله تعالى. Il ne sait pas c'est qui ce savant et qui le masdar de cette histoire, le marjir, mais bon, il l'a cité comme ça. Al-Muhim, que ces gens-là attribuent à Allah des choses qui sont honteuses pour la créature, ils attribuent à Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est parmi les sifats des gens de la Jahiliya. Également, les Yahoud, ils ont dit quoi? Yadullahi marloula. Que les mains d'Allah sont fermées. Ça veut dire qu'ils ont qualifié Allah comme étant avare. Et par la suite, ce sont eux qui ont été éprouvés par cette avarice. Donc le fait d'attribuer des choses considérées comme étant des manquements dans la créature Allah subhanahu wa ta'ala est parmi les sifats des gens de la Jahiliya. Thumma qal fil mas'ala athaniya wal arba'in ash-shirku fil mulk kaqoul al-majus, qui est la 42e mas'ala, qui font du shirk, ils appellent à l'association au partage dans les biens, comme c'est la parole des majus. Ils appellent à partager les biens, comme cela est la croyance des Ishtirakiya ou Shuyu'iya, comme le chef va l'expliquer. Pour eux, tout ce qu'on possède doit être partagé. قال في الشرح حفظ الله تعالى من مسائل أهل الجاهلية الشرك في الملك كقول الماجوس منهم والماجوس طائفة من البشر في بلاد فارس يعبدون النيران ويقولون إن هذا الكون له خالقان النور والظلمة فالنور خلق الخير والظلمة خلقت الشر ولهذا سموا بالثانوية وهذا الشرك في ربوبية. Parmi les points de la Jahiliya également, qui est le fait du partage dans la possession. Comme ce fut le cas des Majus. Ils traduisent les Majus par étant les mages, mais bon, Majus, c'est un groupe des gens de Faris, la Perse. Ce sont des gens qui adorent les feux. Ils adorent le feu et ils attribuent à la création de créateurs. La lumière qui aurait créé le bien et les ténèbres qui ont créé le mal. Et cela, bien évidemment, est du shirk. Fi rububiya. Min akbah anwa' al-shirk. Parmi les catégories les plus immondes dans le shirk, dans la seigneurie. D'avoir attribué de créateur à la création. فقال فمن مذهبهم جواز نكاح المحارم. ومن مذهبهم الاشتراك في الأموال والزوجات فلا يرون لأحد تملكا خاصا فيشتركون في النساء ويشتركون في الأموال على شيوعية في الوقت الحاضر واشتراكية. Donc dans leur mazhab, dans leur croyance, dans leur méthodologie, ces gens ils voient la permission de se marier avec les maharim, les femmes qui nous sont interdites parmi les proches. Également que les biens doivent être partagés ainsi que les épouses. C'est-à-dire que personne ne peut posséder quoi que ce soit sans qu'il ne le partage. Ni les femmes, ni les biens, ni rien du tout. Et ça, ce qu'on appelle aujourd'hui Shuyu'iya, actuellement, le parti yani communiste, on dit Shuyu'iya ou Ishtirakiya. Les deux, c'est la même chose à peu près. La qala, wa hadha madhhabun batilun, munaqidun lil adyan wal fitr. Fa khaliqul kawn wahidun ahad. Ila ghayr dhalika. Donc ce madhhab, il est complètement faux. Il s'oppose totalement aux religions qui, à la base, sont les Adyan et les Samawiya, qui sont les religions des gens du livre, et de la nôtre, et également de la nature première. Le fait de ne pas pouvoir posséder nos biens, de devoir partager tout ce que l'on possède avec les autres. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, a autorisé à ses serviteurs de posséder ce qu'ils ont. Et également, il a interdit de se marier avec les maharim, toutes les femmes parmi nos proches, comme cela est cité dans ce surat An-Nisa. Donc on va dire que cette doctrine qui est celle du communisme est une doctrine prise des Majus, qui étaient des gens de la Jahiliya. Et certaines de leurs croyances demeurent à ce jour, même chez les Rafida, on trouve encore des traces de cette croyance des Majus. Mathalan, le jour de Ashura, ils allument des feux. En tout endroit, ils mettent des feux. Et cela est parmi les sifat de ceux qui adorent le feu, qui étaient les Majus. Donc là, sur les deux Masaïl qui restaient, qui étaient manquantes dans mon édition, qui était la 41e, qui est le fait qu'ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala des manques et des défauts, des imperfections, dont ils se purifient eux-mêmes. Et la deuxième, qui était la 42e Mas'ala, qu'ils appellent au communisme. Yarni, le fait de partager les biens, qu'on ne peut rien posséder. Donc là, on va se rappeler les dernières Mas'ala qu'on avait prises, à partir de la 80e, Mimbeb al-Muraja. On s'est arrêté à 80, même. Al-Mas'ala, al-Thamanoun. Taïeb. Qala, Mas'ala, al-Thamanoun. Ghulouhum fil ash'as. Qu'ils ont de l'exagération dans les individus. Ala ma'alouf. Et ça ressemble à d'autres Mas'ala qui sont déjà passés auparavant au début du livre. Al-Mas'ala, al-Hadia wa Thamanoun. Al-Ghulouf fil Afal Anbiya. Qu'ils exagèrent dans les lieux où sont passés les Anbiya. طيب المسألة الثانية وثمانون اتخاذهم لوسائل الشرك 83e يعني مسألة qui prennent des moyens qui mènent vers le shirk. Ils utilisent des choses qui sont des moyens menant vers le shirk. المسألة الثالثة وثمانون عكوفهم عن الكبور qui se recueillent auprès des tombes. المسألة الرابعة وثمانون تقربوا من الله بالذبح عن الكبور qui se rapprochent d'Allah en égorgeant, en faisant des sacrifices auprès des kubur. المسألة الخامسة والسادسة والثمانون احتفاظهم بآثار المعظمين qui se recueillent et font des choses en guise de mémoire des gens qui glorifient. Comme on avait expliqué, par exemple, des places, des statues. Ils gardent des choses des gens qu'ils glorifient. المسألة السابعة والثامنة والتاسعة والثمانون والتسعون يعني من خصال الجاهلية الباقية في بعض هذه الأمة qui étaient les quatre caractéristiques des gens de la jahiliya toujours présentes dans cette communauté. Et d'autres sont présentes encore, mais celles-ci, يعني, ce sont peut-être les plus fréquentes, qui étaient الافتخار بالأنصاب والطعن فيها كذلك والاستسقاء بالنجوم والنياحة qui est le fait de se vanter, de s'aligner ou de diffamer, de critiquer celle des autres, de demander la descente de pluie par les étoiles, et niyaha qui le fait de se lamenter et de pleurer fort, de se déchirer les vêtements, de se frapper lors d'un décès. Al-Mas'ala al-Hadia wa Tis'un Qiyam mujtama'ihim al-Bari que leur société et leur système est basé sur l'injustice, et ils s'en vantent. Al-Mas'ala al-Thania wa Tis'un Al-Fakhr bi-Ghayri al-Haqq qui sont des gens qui se vantent dans des choses vraies ou pas. C'est-à-dire que même s'ils font des actes qui sont corrects ou qu'ils ne le fassent pas, ils se vantent. De toutes les façons. Al-Mas'ala al-Thalitha wa Tis'un At-Asub al-Mamkout Le fanatisme. Ils se fanatisent pour leur personne, pour leur groupe, pour leur idéologie. Al-Mas'ala al-Rabi'a wa Tis'un Arz al-Bari bijalimat ghayrihi, qu'ils accusent innocent d'un acte commis par autrui, par un autre. Al-Mas'ala al-Khamisa wa Tis'un Ta'bir al-Rajul bi-Noks fi ghayrihi. Le fait qu'ils critiquent une personne pour un défaut, qui pourrait être un défaut à leurs yeux ou pas, présent chez quelqu'un d'autre. Comme par exemple quand les gens Aujourd'hui, c'est une chose qui est fréquente quand ils insultent les mères, mathalan. Ils n'insultent pas la personne directement, mais ils insultent sa mère. En disant ta mère c'est une kaza ou une kaza, ou ton père c'est un kaza ou kaza. Kaza alik. Et ça, c'est parmi les choses de la jahiliya. Al-mas'ala al-sadisa wa tis'un. Iftikhaluhum bi'amalihim at-tayyiba. Qui se vantent de leurs bonnes actions. Al-mas'ala al-sabi'a wa tis'un. Iftikhaluhum bi'intisabihim lit-tayyibin ma mukhalafatihim lahum. Qu'ils se vantent en s'apparentant aux gens bien, tout en s'opposant à eux. Al-mas'ala al-thamina wa tis'un. Iftikharuhum bisana'ihim ala man dunahum fi dhalika. Qu'ils se vantent de leur, on va dire, leur métier, leur fonction, de leur production par rapport aux autres. Par exemple, le fonctionnaire se vante, il se voit meilleur que l'artisan, mathalan. Al-mas'ala al-thasi'a wa tis'un. Nazratuhum lid-dunya nazrat i'jam. Qu'ils sont impressionnés par la dunya. Et quelle est leur balance? Leur point de retour, c'est la dunya. Al-mas'ala al-mia. Al-istidrak wa l'iktirah ala Allah. Qu'ils contestent et protestent les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mas'ala al-hadia ba'd al-mia. Ihtikaruhum lil-fukara. Qu'ils méprisent les pauvres. Ils ont du mépris pour les pauvres. Al-mas'ala al-thania ba'd al-mia. Ittihamuhum li-ahli al-iman fi niyatihim wa maqasidihim. Qu'ils accusent les gens de la foi dans leur intention et dans leurs objectifs. C'est-à-dire qu'ils font croire que ce qu'ils font comme acte pieux, ils ne font cela que en but d'obtenir des bénéfices au bas monde. Al-masa'il al-thaniya wa rabi'a wa al-khamisa wa al-sadisa wa al-sabi'a wa al-thamina ba'd al-mi'a. Kufruhum bi usul al-iman. Qu'ils mécroient au fondement de la foi. Qui sont, croient en Allah, en ses malaïka, et en ses messagers, et en ses kutub, au jour dernier et au destin, qu'ils soient bons ou mauvais. Hadhihi al-masa'il. Al-mas'ala al-tasi'a ba'd al-mi'a. Takdhibuhum li ba'd ma akhbarat bi ar-rusul. Qui démente une partie de ce dont ont informé les messagers. Al-mas'ala al-ashira ba'd al-mi'a. I'tida'uhum ala du'at al-haq. Qu'ils s'en prennent au prédicateur qui appelle à la vérité. Al-mas'ala al-hadiya ashara ba'd al-mi'a. Al-iman bil batil, qui croit au faux. Al-mas'ala al-ashara ba'd al-mi'a. Tafdiluhum al-kufr ala al-iman, qui préfère la mécréance à la foi. Al-mas'ala al-thalitha ashara ba'd al-mi'a. Khart al-haq bil batil liyuqbal al-batil, qui mélange le vrai au faux pour que le faux soit accepté. Al-mas'ala al-rabi'a ashara ba'd al-mi'a. Kitman al-haq ma'a al-ilm bih, qui cache la vérité tout en la connaissant. Al-mas'ala al-khamisa ashar ba'd al-mi'a. Al-qawlu 'ala Allah bi ghayri 'ilm, qu'il part sur Allah sans source. Al-mas'ala al-sadisa ashar ba'd al-mi'a. Tanaqud aqwalihim wa tadarubuh. Que leurs paroles se contredisent. Leurs actes se contredisent, s'opposent, ils ont disent des choses et par la suite ils disent le contraire. Al-mas'ala al-sabi'ata ashar ba'd al-mi'a. Al-iman bi ba'd ma unzila dun ba'd, qu'il croit une partie de ce qui a été révélé. Al-mas'ala al-thamina ashar ba'd al-mi'a. Al-iman bi ba'd ar-rusul dun ba'd, qui croit en certains messagers pour en d'autres. Al-mas'ala at-tasi'a ashar ba'd al-mi'a. Al-muhaja fi ma laysa lahum bi'ilm, qu'ils débattent et contestent et polémiquent dans ce dont ils n'ont pas de science. Al-mas'ala al-ishrun ba'd al-mi'a. Tanaqudhum fi ittiba'ihim li ghayrihim. Ils sont contradictoires dans le fait qu'ils prétendent suivre autre que eux. Mais en réalité, ils ne les suivent pas. Al-mas'ala al-hadiya wa ishrun ba'd al-mi'a. Al-sad an sabilillah. Qu'ils obstruent le sens d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-mas'ala al-thaniya wa ishrun ba'd al-mi'a. Qui est mawalat al-kuffar. L'alliance et l'amour envers les kuffars, envers les mécréants. Al-mas'ala الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والعشرون بعد المئة اعتمادهم على الخرافات. Qui est qu'ils se basent sur les superstitions et sur les mythes. Ils se basent sur les superstitions et sur les mythes. Et nous avons rajouté par la suite يعني واحدة واربعين والثانية واربعين. نعم. Donc là, c'était la Marseille de la Jahiliya, expliquée par le Shir, Hafizullah Ta'ala, ceux qui ont été évoqués par Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, NHD, Rahmatullah Alayhi. comme vous avez pu constater, beaucoup se ressemblent, certaines sont quasiment les mêmes. Elles auraient peut-être été, s'ils avaient été mises ensemble, ça aurait peut-être été plus pratique dans le classement. À la couline, Barda Hada, Inch'Allah Ta'ala, comme j'avais convenu de faire, Inch'Allah, une kalima autour de ces masailles de la Jahiliya présente chez les Maftounin. Et nous espérons, Inch'Allah, après ce livre, de poursuivre dans Sharh Kashf al-Shubuhat, Bisharh al-Sheikh Mohamed ibn Salih ibn Uthaymin. Rahmanallahu ta'ala. Yani, Sharh Kashf al-Shubuhat. Fabi Adelkod Naktafi, Nakul Subhanaka wa bihamdik, La ilaha illant, Astaghfiruka wa tubu ilayk.